Les étrangers et les compatriotes coréens d'outre-mer exaltent les exploits accomplis par Kim Jong-il pour la direction de Songun. Le président d'honneur de l'Union des communistes bulgares et le chef de chaire de la faculté de politique de l'université de Damas-Syri ont affirmé que la visite par Kim Jong-il à la division de chaire du Gyeongsu numéro 105, Kuni, Séoul, de l'armée populaire de Corée, le 25 août 1960, a été un événement historique dans l'histoire de la lutte révolutionnaire du peuple coréen et souligné que ses plus grands exploits sont d'avoir déjoué tous les défis de l'histoire et défendu fermement la Corée socialiste, phare de l'espoir de l'humanité. Le permanent Hong Myung-do de l'Association générale des Coréens résidant au Japon et les Coréens d'outre-mer ont dit que la fierté et l'honneur de la nation de soleil sont inimaginables à l'écart de la politique et de la direction de Songun du général Kim Jong-il. Ils ont déclaré que son périple de Songun a été celui de dévouement pour la patrie, la nation et le peuple sans précédent dans l'histoire politique de l'humanité.